الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. خلق فسوى Il a créé dans la plus parfaite harmonie. وقدر فهدى Et il a donné à chaque chose sa mesure, puis a guidé sur la bonne voie. ويعلم الجهر وما يخفى Il sait tout ce qui est audible, visible ou caché. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى Il dit سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما الإنسان كان ظلوما لنفسه إنه كان ظلوما جهولا جهولا لقدر الأمانة التي حمل أو جهولا لربه سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et en furent remplis de crainte. L'homme, lui, l'a pourtant porté, il sera toujours un très grand injuste, ça veut dire envers lui-même, et un très grand ignorant, ça veut dire envers la charge du dépôt porté, ou bien ignorant vis-à-vis de son Seigneur. Al-amana, hiya at-takalif wal-fara'id ad-diniya, hasab qawli al-jumhur. Le dépôt est représenté par les responsabilités ou les recommandations religieuses. أكبر المخلوقات في الكون رفضت حمل الأمانة. Les plus grandes créatures de ce monde ont refusé de porter ce dépôt divin. خوفا منها par crainte de ce dépôt et par crainte de Dieu. وقبل الإنسان. Mais l'homme a accepté de le porter. الأمانة جد ثقيلة. Ce dépôt est très très lourd. لا تستطيع السماوات والأرض والجبال حملها. Il est très lourd jusqu'au point que les cieux, la terre, les montagnes furent ou étaient incapables de le porter. قال تعالى, Dieu dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل هذه الأمانة القرآنية الآن يتكلم عن أمانة القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خشية الله تفرق وتقسم الجبل Si nous faisions descendre ce Coran, c'est-à-dire ce dépôt coranique sur une montagne, tu la verrais certainement humblement recueillie et toute fissurée par crainte de Dieu. La crainte de Dieu va fissurer la montagne. ما في الكون أحد استطاع حمل الأمانة الإلهية إلا الإنسان. Aucune chose, personne dans le monde entier n'a pu porter le dépôt divin à part l'homme. بمعنى أن الله أعطاه قوة أو قدرة على ذلك لا توجد عند غيره. Ceci signifie que Dieu lui a donné, ça veut dire à l'homme, une capacité ou une faculté qui n'existe pas chez les autres. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم Il dit prière et salut sur lui. قال الله تعالى لآدم عليه السلام Dieu le très haut a dit à Adam prière et salut sur lui يا آدم ô Adam إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض فلم تطقها J'ai proposé le dépôt aux cieux et à la terre et ils ne l'ont pas supporté. فهل أنت حاملها بما فيها؟ Es-tu capable de le porter avec toute sa charge? فقال Adam dit à Dieu subhanahu wa ta'ala, وما فيها يا رب؟ Et quel est son contenu, ça veut dire de ce dépôt, ô Seigneur? قال Allah, إن حملتها أجرت. Si tu le portes, tu en seras récompensé. وَإِنْ ضَيَّعْتَهَا عُذِّبْتْ. Mais dans le cas où tu le négliges, tu en seras châtié. فَاحْتَمَلَهَا بِمَا فِيهَا. Et Adam le porta avec toute sa charge, a accepté de porter le dépôt divin avec toute sa charge. فَيَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Le prophète, prière et sagesse, précise, فَلَمْ يَلْبَثْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْرَ مَا بَيْنَ الصَّلَاتِ الْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ. Et il n'est resté dans le paradis que pendant la durée qui sépare la première prière jusqu'à la prière de l'Asr, hatta akhrajahu shaytan, et par la suite, Satan le fit sortir du paradis. Rawahu l'imam al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adadan jumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wa al-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib muhammadin al-mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. يعني قبل أن أبدأ في هذه الخطبة أذكر بعض الإخوة وبعض الأخوات بأنه لا يجوز الكلام وقت الخطبة. يعني من العيب أن نذكر وأن نذكر بهذا الشيء وهو من أوليات صلاة الجمعة. كيف المسلم يأتي وهو لا يعرف بأنه لا يجب عليه أن يتكلم إذا كان الإمام يخطب؟ أين علمك؟ أين إسلامك؟ Je rappelle à tout le monde qu'il n'est pas admis, qu'il n'est pas possible ou valable ou licite de parler pendant le discours du vendredi. On n'a même pas le droit de dire à quelqu'un « Salam alaikum ». Lorsqu'il y a le discours du vendredi, je suis avec Dieu. J'écoute le rappel de Dieu et j'oublie tout le monde. Et celui qui ne connaît pas ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas le minimum de son islam. Et on ne doit pas à chaque fois rappeler ceci. منذ أن فتحنا أعيننا, depuis que nous avons ouvert les yeux, وجدنا أنفسنا أمام كون كبير. Nous avons trouvé que nous sommes de face à un univers gigantesque. انظروا إلى الأرض بعجائبها وبحارها وجبالها. Regardez la terre avec toutes ses merveilles, ses océans, ses mers et ses montagnes. Onduru ila sama, regardez le ciel, bishamsiha wa qamariha wa nujumiha, le ciel avec son soleil, sa lune et ses étoiles. Onduru ila almiyah, regardez les eaux, bihulwiha wa malihiha wa bukhariha wa ghuyumiha wa amtariha, les eaux avec les eaux douces ou bien salées, avec ses vapeurs, avec les nuages formés à partir de ses vapeurs et avec les pluies. Regardez la végétation, les végétations avec toutes leurs formes ou leurs différentes formes et leurs différentes couleurs. انظروا إلى الحيوانات بأنواعها واختلافها. Regardez les animaux avec toute leur variété, toute leur différence. انظروا إلى الأسماك بلطافة أجسامها. Regardez les poissons avec la souplesse de leur corps et de leur mouvement. انظروا إلى الحشرات بصغر حجمها. Regardez les insectes avec leur petite taille. انظروا إلى الليل والنهار وتعاقبهما. Regardez la nuit, le jour et leur alternance. كون كبير ونظام عجيب. Un univers gigantesque et un ordre extraordinaire. الشمس والبدر من أنوار حكمته. Le soleil et la lune font partie des lumières de sa sagesse. والبر والبحر فيض من عطاياه. La terre et la mer sont une abondance de ses dons. الطير سبحه والوحش قدسه. Les volatiles le glorifient ou glorifient sa pureté. Les fauves le sacralisent. والموج كبره والحوت ناجاه. Les vagues proclament sa gloire et les poissons le prient avec ferveur. والنمل تحت الصخور مجده. Les fourmis en dessous des pierres le glorifient. والنحل يهتف حمدا في خلاياه. Et dans leur ruche, les abeilles proclament sa louange. والناس يعصونه جهرا فيستروهم. Et les gens lui désobéissent publiquement et il ne les dévoile pas. والعبد ينسى وربي ليس ينساه. Le serviteur oublie et mon Seigneur n'oublie jamais. الشمس والبدر من أنوار حكمته. والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه ولكن لا نفهم تسبيحه. الطير سبحه والوحش قدسه والموج كبره. الله أكبر. والموج كبره. ترى الموج وترى هدير الموج وصوت الموج وهو يكبر الله تعالى وتبارك ولا نفهم تكبيره. والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور مجده. والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم. والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الحقيقة en réalité لو رأى إنسان هذا الكون, si un homme observe cet univers ونسي عصبيته ونسي أهواءه ونسي أنانيته, et il oublie en même temps son sectarisme, sa passion, son égoïsme, la qala, il dirait certes, sans doute, ashhadu an la ilaha illallah. Il va dire sans doute, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, à part Allah. Makhlouqat mutanawi'ah, des créatures variées, kulluha tashhad ala wujud al-khaliq, qui atteste, qui témoigne toutes de l'unicité, de l'existence du Créateur. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, هذا خلق الله ما ترون حولكم هو خلق الله. هذا خلق الله, telle est la création de Dieu. Ce qui est autour de vous, telle est ou c'est la création de Dieu. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. Montrez-moi maintenant ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. بل الظالمون في ضلال مبين. Mais les injustes sont plutôt dans une erreur évidente. انظر إلى كل المخلوقات. Regarde toutes les créatures. سمائها, son ciel. نجومها, ses étoiles. وأرضها, la terre. وحيواناتها, les animaux. وحشراتها, les insectes. وأسماكها, les poissons. وإنسها, et les humains. تجدوا كل مخلوق يرشدك إلى لا إله إلا الله. Et tu vas voir, tu vas trouver que chaque créature t'indique, te guide qu'il n'y ait aucune divinité à part Dieu. كل مخلوق يدلك على الخالق. Chaque créature, grande ou petite, va te montrer le Créateur. ويرحم الله أبا العتاهية على قوله. Et que Dieu englobe par sa miséricorde Abu al-Atahiyya pour ce poème. Ala innana kulluna ba'idu. Certes, nous allons tous périr. Wa ayyu bani Adam khalidu. Et lequel parmi les fils d'Adam est-il éternel? Wa bad'uhum kana min rabbihim. Leur début fut à partir de leur Seigneur. Wa kullun ila rabbihi a'idu. Et chacun fera son retour vers son Seigneur. فيا عجبا كيف يعصى الإله؟ ستتنون كومون ديزوبيتون أديو أم كيف يجحده الجاحد وكومون لنيغاتور لغنيتيل؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد إليا بور ديو دون شاك موفمون اي دون شاك روبو ان تيموان وفي كل شيء له آية اي دون توت شوز إليا بور لوي ان سيني تدل على أنه الواحد كي أنديك كيلي لونيك. ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهنا أطرح السؤال الأول إلى جو بوز لا بروميير كيستيون، هل هناك غاية من وراء خلق السماوات والأرض وهذا النظام العجيب أم لا غاية وراء كل ذلك؟ Y a-t-il un but, y a-t-il une finalité derrière la création des cieux et de la terre et derrière cet ordre extraordinaire où il n'y a aucun but? Et je laisse le Créateur répondre à cette question dans un verset coranique. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux afin de jouer. Allah la yal'ab. Dieu ne joue pas. كَمَا اتَّهَمَهُ بَعْضُهُمْ لَمَّا قَالَ. Comme quelqu'un l'a accusé lorsqu'il a dit Allah هو الذي خلق الكون. C'est Dieu qui a créé l'univers. ولكنه تركه وذهب. Mais il l'a abandonné et parti. كالطفل الذي يلعب بالكرة. Comme un enfant qui joue avec une balle. ثم يتركها ويذهب. Et après il l'abandonne et il part. كلام في منتهى الحقارة. Des paroles qui résument l'extrême bassesse. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Et Dieu se trouve largement au-dessus de ce que disent ces gens. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Et jamais ne n'étions inattentifs à l'égard de la création. لو ترك الله هذا الكون لحظة واحدة. Si Dieu abandonne cet univers un seul instant, لهلك الكون بما فيه. L'univers entier disparaîtra. لأن كل موجود يأخذ وجوده من الموجد. Parce que chaque chose existante prend son existence ou tire son existence à partir de celui qui l'a fait exister. وكل مخلوق يأخذ حياته من الخالق. Et chaque créature tire ou prend sa vie à partir de son créateur. وأطرح السؤال الثاني. Je pose la deuxième question. ما هو المطلوب من الحيوانات والسماوات والأرض والجمادات؟ Quelle est la chose demandée aux animaux, aux cieux, à la terre et à la matière immobile? Quelle est leur mission? ما هي مهمتهم في هذا الكون؟ الجواب, la réponse, أن تخدم الإنسان. Que toutes ces créatures se mettent au service de l'homme. أن تخدمك أنت يا ابن آدم. Qu'elles se mettent tous à ton service, toi, ô fils d'Adam. قال الخالق, le créateur dit, celui qui a créé les cieux et le reste, dit dans un verset, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Il a soumis à votre service tout ce qui est dans les cieux et en terre, le tout venant de lui. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a là des signes certains pour des gens qui méditent. فَكُلُّ شَيْءٍ مُسَخَّرٌ لِلْإِنسَانِ من سماء وقمر وشمس ونجوم وماء وهواء وأرض وحيوانات وجماد. Toute chose est soumise au service de l'homme à partir du ciel, la lune, le soleil, les étoiles, l'eau, l'air, la terre, les animaux et même la matière statique. الكون كله في خدمة الإنسان. L'univers entier est au service de l'homme. قال المنعم, le bienfaiteur, dit dans un verset coranique, الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. ولكننا ننسى هذه الأمور, الحياة اليومية تنسينا هذه الأمور. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لمن, لكم أنتم يا بشر, لكم. Dieu qui créa les cieux et la terre, qui fit descendre du ciel une eau avec laquelle il fit sortir des fruits, une subsistance pour vous. وَسَخَّرَ لَكُمْ دَائِمًا لَكُمْ تَعُودْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَسَخَّرَ لَكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, qui soumit à votre service, à vous l'humanité, qui soumit à votre service les bateaux afin qu'ils voguent sur mer, sur son ordre, qui soumit à votre service les rivières, وَسَخَّرَ لَكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمْ. انظروا إلى كلمة لكم تعود في الآيات وترجع لتذكر الناس. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, qui soumit à votre service le soleil et la lune dans leur course incessante. وسخر لكم الليل والنهار, qui soumit à votre service la nuit et le jour. وآتاكم بمعنى أنتم أيها البشر, وآتاكم من كل ما سألتموه, qui vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, et si vous énumérez les bienfaits de Dieu, vous n'en connaîtrez jamais le nombre. إن الإنسان لظلوم كفار, certes l'homme est un grand injuste et un grand mécréant. وقال المنعم, le bienfaiteur, dit dans un autre verset coranique, وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا, لتاكلوا أنتم أيها البشر, وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها أنتم أيها البشر. C'est lui qui soumit la mer afin que vous en mangiez une viande fraîche et que vous en sortiez une parure que vous portez. ويقول الخالق المنعم, et le créateur bienfaiteur dit dans un verset coranique, il nous rappelle ses bienfaits que nous avons oubliés. يذكرنا بالأنعم والنعم التي نسيناها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون, et les bestiaux il les créa pour vous, vous y trouvez une protection contre le froid, ainsi que d'autres profits, vous y trouvez aussi de quoi manger. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, vous avez en eux une certaine beauté quand vous les menez en pâturage et quand vous les en ramenez. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ, et par la suite il nous rappelle, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهَا, il créa les chevaux, les mulets et les ânes pour vous servir de monture ou d'objet de parade. Et il crée ce que vous ne savez point. Et effectivement, خلق الله ما لم يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, في زماننا وقبل زماننا, خلق الله تعالى وتبارك ما لم يكن الناس يعلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية. Et effectivement, Dieu à notre époque a créé ce que les gens à l'époque du prophète, prière et salut, ne savaient pas lorsque ce verset a été révélé. خلق الكهرباء, il a créé l'électricité, ou le pétrole, ou ta'irat, il a créé des avions et d'autres choses. Wa sayakhluqu fil mustaqbal ma la na'lamu al-an wa hakadha, et certes il va créer dans l'avenir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, إلى وهكذا إلى يوم القيامة et ainsi de suite jusqu'au jour de la résurrection حتى تبقى هذه الآية صالحة afin que ce verset reste valable toujours ويخلق ما لا تعلمون كل واحد في زمانه يقرأ هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون ويقول سيخلق الله في المستقبل ما لا أعرف الآن ça veut dire à n'importe quelle époque à venir l'homme va dire Dieu va créer dans l'avenir ce que je ne sais pas maintenant أخي أختي frère sœur هناك آيات قرآنية كثيرة تتكلم عن نعيم الله تعالى وتبارك. Il y a plusieurs versets coraniques qui abordent les bienfaits et les grâces de Dieu. وعن تسخير الكون للإنسان. Des versets qui parlent de la soumission de l'univers au service de l'homme. والوقت لا يسمح لذكرها جميعا. Le temps ne permet pas de les citer tous. والنتيجة, la conclusion, le résultat, الإنسان غارق كليا في نعيم وخيرات الله تعالى وتبارك. L'homme est bien noyé entièrement dans les grâces et les bienfaits de Dieu سبحانه وتعالى. ولكن ينسى. Mais il oublie. والإنسان مكرم ومفضل من طرف الله. Et l'homme est honoré, anobli, préféré de la part de Dieu. قال الخالق المنعم. Le créateur et bienfaiteur dit dans un verset coranique وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Nous avons effectivement honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés par terre et par mer. Nous leur avons octroyé leur part de bonnes choses et les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. هذا الإنسان المخلوق الصغير بالنسبة لهذا الكون الواسع الكبير cet homme petite minuscule par rapport à cet immense univers مفضل إلى هذا الحد et préféré jusqu'à ce point نعم oui إلى درجة أن الملائكة المكرمين سجدوا لآدم أبي البشر عليه السلام jusqu'au point que les anges honorables et anoblis se sont prosternés devant Adam, le père de l'humanité, prière et salut sur lui. Là, je pose la troisième question. Quelle est la raison de cet anoblissement, cette préférence divine pour l'homme ? Dans la réponse, dans la réponse, je vais étudier plusieurs réponses possibles ou plusieurs raisons possibles. Premièrement, est-ce que la raison réside dans le corps humain ? Là, non. Le corps humain est très très très petit dans ce monde. فليس التفضيل من ناحية الجسم. La préférence ne vient pas donc du côté du corps humain. ولو كان هذا صحيحا لكان الفيل أو الجبل أفضل من الإنسان. Et si ceci, ça veut dire le corps de l'homme était grand ou la préférence venait du côté du corps, l'éléphant ou bien la montagne serait plus préféré à Dieu que l'homme parce qu'ils ont un plus grand volume. Deuxièmement, هل السبب هو عمر الإنسان؟ La raison réside-t-elle dans la durée de vie de l'homme؟ لا, non. لأن عمر الإنسان صغير جدا. Parce que la durée de vie de l'homme est très très petite. 80 سنة, 80 ans, أو 1000 سنة, ou 1000 ans, ما يقارب عمر نوح عليه السلام, l'équivalent de la durée de vie de Noé, prière et salut sur lui. ولكن عمر الأرض أكثر من 4 milliards سنة. Mais l'âge de la Terre est proche à peu près de 4 milliards d'années à nos jours. ثالثا, troisièmement, هل السبب هو تكوين الإنسان. Est-ce que la raison de préférence réside de la constitution du corps humain? لا, non. فالإنسان مكون من تراب وماء. L'homme est constitué à partir de la terre et de l'eau. لو حللنا جسم الإنسان, si on analyse le corps humain, لوجدنا فيه شيئا من الحديد, on trouvera un peu de fer, à peu près 4 grammes de fer, 4 grammes min al-hadid, yani tukawin ba'd al-masamir, 4 grammes de fer qui peuvent fabriquer quelques clous. Wa shay'an min al-fosfour, il y a un peu de phosphore, wa shay'an min al-potassium, il y a un peu de potassium, ila akhir, etc. Kul dhalika yushtara bi ba'd al-uruhat, tout ceci s'achète avec quelques euros. Rabi'an, quatrièmement, hal al-sabab هو علم الإنسان, هذا العلم الذي به صنع الطائرة وبه صنع الصاروخ إلى غير ذلك. Est-ce que la raison de préférence réside dans la science de l'homme, cette science avec laquelle il a fabriqué aujourd'hui les avions et tout ce qu'on voit comme technologie moderne? لا, non. فالله أخبرنا بأننا لم نوت من العلم إلا قليلا, parce que Dieu nous a informé qu'on a reçu de la science qu'un petit peu. Khamisan, hal al-sabab huwa quwwat al-insan? Est-ce que la raison de préférence réside dans la force de l'homme, la puissance de l'homme? La, non. لأن الله أخبرنا بأن الإنسان خلق ضعيفا, parce que Dieu nous a informé que l'homme a été créé faible. إذن فما الذي رفع قيمة الإنسان لدرجة التكريم الإلهي؟ Donc, qu'est-ce qui a fait élever la valeur de l'homme jusqu'au point de l'anoblissement divin? الجواب, la réponse, هو سر عجيب. Il s'agit d'un secret extraordinaire. ولطيفة ربانية, et d'une chose divine. وجوهرة روحانية, d'une perle spirituelle. هو هذا الشيء الذي نفخه الله في آدم عليه السلام فحيته الملائكة بالسجود. C'est cette chose que Dieu a insufflé dans le corps d'Adam et par la suite ou après laquelle les anges le saluèrent par la prosternation. قال الخالق تعالى, le créateur dit dans un verset coranique, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'une argile, فإذا سويته ونفخت, فإذا سويته اكتمل الخلق ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dès que je lui aurai donné sa forme parfaite et que j'y aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous alors à lui. فالسبب هو النفخة الروحانية الربانية. Donc la raison réside dans ce souffle d'esprit divin. ولن أدخل في شرح الروح, je ne rentre pas dans des détails ou d'explications de l'esprit, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عن هذا السؤال, parce que le prophète prière et salut sur lui n'a pas donné une réponse à cette question. قال تعالى, Dieu lui a dit dans un verset, ويسألونك عن الروح, il t'interroge sur l'esprit. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dit, l'esprit est du domaine exclusif de mon Seigneur et vous n'avez reçu de la science que fort peu de choses. وهنا أطرح السؤال الرابع والأخير. Là je pose la quatrième et dernière question. ما هي مهمة الإنسان في هذا الكون؟ Quelle est la mission de l'homme dans cet univers? Al-Jawab, la réponse, كل مخلوق, chaque créature, حيوانات, نباتات, جمادات, إلى آخره, les animaux, les végétations, la matière statique, كمارينا, comme nous l'avons vu, له مهمة, chaque créature a une mission, comme nous avons vu. ويعمل بإتقان في حقل المهمة التي خلق من أجلها. Et chaque créature, comme nous l'avons vu, travaille avec perfection dans le domaine pour lequel elle a été créée. ولا يعصي الله تعالى وتبارك. Et chaque créature dans le domaine de son travail ne désobéit pas à Dieu le Très-Haut. وطاعته لله هي خدمة الإنسان. طاعة المخلوقات كلها كيف تطيع الله؟ هي أن تخدم الإنسان. إذا خدمت الإنسان فقد أطاعت الله. Et l'adoration ou l'obéissance de toutes les créatures réside dans le fait de servir l'homme. Lorsque les créatures, le soleil, les animaux, etc., se mettent au service de l'homme, c'est ça leur adoration de Dieu ou leur obéissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. والإنسان يخدم من؟ Et l'homme est au service de qui? Si toutes les créatures sont au service de l'homme, ce dernier est au service de qui? المخلوقات كلها تخدم الإنسان. ولكن الإنسان هو في خدمة من؟ أم هو خلق ليكون مدللا مكرما وتخدمه المخلوقات كلها وهو لا يخدم شيئا أو bien a-t-il, ça veut dire l'homme, été créé pour être gâté, honoré, servi par toutes les créatures et lui, il ne sert personne ou il n'est au service de personne. Yujibul Khaliq, c'est le créateur qui a créé l'homme qui répond à cette question. يقول سبحانه وتعالى في آية il dit dans un verset coranique وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. أخي أختي هذه هي مهمتك. Frère ou sœur, telle est ta mission dans ce monde. في هذا الكون أن تعبد الله, c'est que tu adores Dieu. Tu as été créé pour cela. Tu adores Dieu jour et nuit. Pendant toute ta vie, tu ne fais qu'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Telle est ta mission. Dieu t'a créé pour cette mission noble. Adorer Dieu. هذه هي مهمتك طول حياتك وطول أيامك أن تكون في عبادة الله تعالى وتبارك ذلك الكبير. C'est que tu adores ce Dieu géant. مهمتك أن تحب الله أكثر من كل شيء آخر. Ta mission c'est d'aimer Dieu plus que toute autre chose. وتطيعه في كل أمر. Ta mission c'est de lui obéir dans tous ses ordres. ليست مهمتك إشباع شهواتك. Ta mission n'est pas ou ne réside pas dans le fait de rassasier tes désirs. بل مهمتك أكبر وأشرف من ذلك. Ta mission, frère ou sœur, est plus grande que cela, est plus noble que cela. الإنسان العاقل سيجد نفسه غارقا كليا في نعيم وخيرات الله. L'homme raisonnable va trouver qu'il est parfaitement, complètement noyé dans les grâces et les bienfaits de Dieu. فيمتلئ قلبه حياء وحبا لله. Et lorsque l'homme raisonnable découvre qu'il est noyé dans les grâces, les bienfaits de Dieu, tout pendant toute sa vie, pendant toutes ses secondes, son cœur va se remplir de pudeur et d'amour vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala qui lui a donné toutes ses grâces et tous ses bienfaits. وَيَدْفَعُهُ ذَلِكَ إِلَىٰ عِبَادَةَ اللَّهِ. Et ceci va le pousser à adorer Dieu et rien d'autre que Dieu. يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إِلَىٰ شُكْرِ اللَّهِ. Tout ceci va le pousser à remercier Dieu. قَالَ تَعَالَى. Dieu dit dans un verset coranique لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Assurément, si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. تُرِيدُ الزِّيَادَ أُشْكُرْ اللَّهِ. Tu vois ce que tu as aujourd'hui. Tu veux encore plus? Remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné et il va te rajouter plus. وَلَكِمْ قَالَ ذَلِكَ. Mais Dieu a dit en même temps قَالَ كَذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَفِي آيَةٍ يَقُولُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. قَلِيل مِّنَ الْعِبَادِ مَنْ يَشْكُرُنِي أَنَا اللَّهُ رَغْمَ أَنِّي أَغْرَقْتُكُمْ فِي النِّعَمِ. انظروا كم سخرت لكم وسخرت لكم وأعطيتكم وأعطيتكم وأعطيتكم ولكن لا تشكروني يا عبادي. أشكروني أزدكم. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dieu dit et très peu parmi mes serviteurs sont les reconnaissants, ça veut dire qui me remercient. الأصل أن نعم الله على الإنسان وتسخير كل المخلوقات للإنسان تدفعه في المقابل إلى جواب واحد. En principe, les grâces de Dieu pour l'homme et le fait de lui soumettre toutes les créatures poussent normalement l'homme à une seule réponse, al-shukr wal-ibada lillah, la reconnaissance, le remerciement et l'adoration de Dieu. Amma al-insan al-jahil, tandis que l'homme ignorant, fasayatamatta fi na'imillah, il va jouir, il va profiter des bienfaits, dans lesquels, les bienfaits de Dieu, dans lesquels il est noyé. وَيَشْكُرُ الْمَخْلُوقَاتِ غَيْرَ اللَّهِ. Et par la suite, il va remercier les créatures en dehors de Dieu. كَمَا قَالُوا, comme ils disent, يَأْكُلُ خَيْرِي وَيَشْكُرُ غَيْرِي. Il se nourrit avec ou de ma générosité, de mes subsistances, et il remercie autrui. يقابل الإحسان الإلهي بالمعاصي والذنوب. L'homme ignorant, il va répondre à toute la grâce et les bienfaits de Dieu par la désobéissance et les péchés. Allah خلق وهو يعبد مخلوقا بدل الله. Dieu l'a créé et il va adorer une créature comme lui au lieu d'adorer Dieu. قديما كانوا يعبدون الشمس. Autrefois, ils adoraient le soleil. والكواكب et les planètes. والنار et le feu, etc. إلى آخره. واليوم بدلوا عبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة الكواكب وعبادة النار بأمور أخرى. Et aujourd'hui, ils ont inventé d'autres choses à adorer à la place du soleil, les planètes et le feu. اليوم يعبدون المال. Aujourd'hui, ils adorent l'argent, la fortune. يعبدون الشهوات. Aujourd'hui, ils adorent les désirs. إلى آخره, etc. مع العلم أن المخلوقات كلها في خدمة الإنسان, sachant que toutes les créatures, comme nous l'avons vu, sont au service de l'homme. فلا تليق عبادتها. Donc il n'est pas convenable de les adorer. Ça veut dire les créatures. لا تعبد خادمك. N'adore pas ton serviteur. Les créatures sont créées pour être à ton service. Comment peux-tu adorer un serviteur à toi? La ta'bud khadimak. N'adore pas donc ton serviteur. Bel u'bud khaliqak. Plutôt adore ton créateur qui a mis à ton service tout ce qui t'entoure comme créature. Akhi, ukhti, frère, sœur. Inna Allah karramak wa faddalak. Dieu t'a honoré, t'a préféré par rapport à d'autres de ses créatures. Il t'a créé pour son adoration. Et il t'a anobli par ce dépôt des vins qui a été refusé de porter par les cieux, la terre et les montagnes. Vas-tu vivre pour toi-même? أم هل ستعيش لله الذي خلقك ou vas-tu vivre pour Dieu qui t'a créé? هناك حالتان. Il y a deux possibilités et pas une troisième. الذي سيترك الله, celui qui va abandonner dans sa vie Dieu, وينسى مهمته في الكون, celui qui va oublier sa mission noble dans ce monde, هو الذي قال عنه الله, et celui pour lequel Dieu a dit dans un verset, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. L'homme, lui, l'a pourtant porté. Il sera toujours un très grand injuste et un très grand ignorant. وَقَالَ عَنْهُ, et Dieu a dit à propos de cet homme, إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Certes, l'homme est un grand injuste et un grand mécréant. سَيُمْضِي فَالَّذِي سَيُمْضِي حَيَاتَهُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. Celui qui va passer toute sa vie à manger et à boire. وَالتَّمَتُّعْ بِالشَّهَوَاتِ. Celui qui va passer toute sa vie à jouir, à rassasier ses désirs. فَسَيَنْزِلُ إِلَى مُسْتَوَى الْحَيَوَانَاتِ أَوْ أَقَلْ. Il va descendre au niveau des animaux. Il va devenir comme un animal. Il mange, il boit, il satisfait ses désirs comme un animal. سَيَنْزِلْ إِلَى مُسْتَوَى الْحَيَوَانَاتِ. Il va descendre au niveau des bestiaux, au pire. قَالَ تَعَالَى. Dieu dit dans un verset, إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ils ne sont en vérité que comme les bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore. أما الإنسان العاقل, tandis que l'homme raisonnable, أما الذي سيقوم بمهمته التي خلقه الله من أجلها, celui qui va remplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé, فسيقترب من درجة الملائكة أو يفوقه. هو يعيش فوق الأرض ولكن مكانته تقارب الملائكة أو يفوق الملائكة, لأنه فهم لماذا خلق وعبد الله تعالى وتبارك. Celui-ci, il va s'approcher du degré des anges ou même dépasser ce degré. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. أَمَّا غَيْرُهُمْ فَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ. Ça veut dire, les autres sont les plus mauvais de toute la création. النَّتِيجَة, le résultat. إِمَّا إِهْمَالٌ لِلْمُهِمَّةِ وَمَرْتَبَةٌ كَالْحَيَوَانَاتِ أَوْ أَقَلٌ, soit une négligence de la mission et un niveau comme les animaux ou pire, وَإِمَّا قِيَامٌ بِالْمُهِمَّةِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ وَمُحَافَظَةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ, ou bien accomplir la mission, ça veut dire adorer Dieu et préserver le dépôt, وَمَرْتَبَةَ الْمَلَائِكَةِ, et en même temps un niveau, un degré comme les anges, أَوْ أَفْضَلٌ, ou même encore meilleur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, لا إيمان لمن لا أمانة له, nulle foi, nul iman pour celui qui ne préserve pas le dépôt. Rawahu l'imam Ahmad wa ghayruhu, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Min bayni muhimmat al-insan, parmi la mission de l'homme, al-muhafaza ala al-amana, parmi sa mission est de préserver ce dépôt de Dieu. Wal-amana yajib an tufhama bimafhumiha al-wasi', et le dépôt, on doit le comprendre selon le sens large. Là, le mafhoum al-dayyiq, et non pas le sens réduit. Awalan, premièrement, fal'alamu kulluhu amana ilahiyya inda al-insan, tout l'univers, tout le monde constitue un dépôt divin auprès de l'homme. Walbay'a kadhalik wa tharawat, ainsi, ou de la même manière, l'environnement et les richesses qui se trouvent dans ce monde. Wa 'ala al-insan al-muhafaza 'ala al-tawazun, et l'homme doit préserver l'équilibre. Wa kullama dayya'a al-insan al-amana aw i'tada 'alayha, et à chaque reprise que l'homme néglige le dépôt ou lui porte atteinte, dhaharat al-kawarith wal-amrad ila akhirih, apparaîtront les catastrophes, les maladies, etc. Kama qala ta'ala, comme Dieu l'a souligné dans un verset, dhahara al-fasadu fil birri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas, la corruption est apparue sur terre et dans la mer pour ce que les gens ont acquis de leurs propres mains. Thaniyan, deuxièmement, الدين أمانة يجب المحافظة عليها, la religion est un dépôt qu'on doit préserver. فالقرآن أمانة, le Coran est un dépôt. السنة أمانة, la sunna est un dépôt. والصلاة أمانة, la prière est un dépôt. والعبادة أمانة, l'adoration est un dépôt. Par exemple, le jeûne, يعني الصيام, الزكاة, la zakat, إلى etc. وأول ما يسأل عنه المرء المرء أمانة الصلاة, et la première interrogation subie le jour de la résurrection sera ou concernera le dépôt de la prière. هل حفظ أم ضيع, a-t-il préservé ou a-t-il négligé. ثالثا الجسم أمانة يجب المحافظة عليها, le corps humain est un dépôt qu'on doit préserver. الرئة أمانة, les poumons constituent un dépôt. لا تضرهما أو لا تهلكهما, يعني الرئتين بالسجارة, ne détruit pas tes poumons par la cigarette. والعقل أمانة, لا تضيعه بالخمر أو المخدرات, le cerveau, l'intelligence ou la raison est un dépôt que tu dois pas négliger ou faire perdre ou détruire par les alcools ou par les drogues, إلى آخره, etc. والعينان أمانة, les yeux constituent un dépôt. La tara bihima ma harram Allah, ne regarde pas avec ce dépôt ce que Dieu a interdit. Al-udunan amana, La tasma' bihima ma harram Allah. Les oreilles constituent un dépôt. N'écoute pas avec ses oreilles ce que Dieu a interdit. Al-famu amana. La bouche est un dépôt. La taqul bihima harram Allah. Wa la taf'al bihima harram Allah. Ne dis pas avec cette bouche ce que Dieu a interdit. Ne fais pas avec ce que Dieu a interdit. Al-yadu amana. La main est un dépôt. La taf'al biha al-haram. N'accomplis pas avec les mains l'interdit. Al-rijlu amana. La tamshi biha ila al-haram. Les pieds constituent un dépôt. Ne marche pas avec ses pieds vers l'interdit. Al-ma'idatu amana, la tudkhil ilayha al-haram. L'estomac constitue un dépôt. N'y entre pas ce qui est interdit. Al-jihaz at-tanasuli amana, la tastamilhu fil haram, fi zina ila akhiri. L'appareil de reproduction est un dépôt. Ne l'utilise pas dans l'interdit, l'adultère ou autre, wa hakada, etc. Rabi'an, quatrièmement, al-a'ila amana, la famille est un dépôt. Az-zawja amana. La femme est un dépôt. Az-zawju amana. Le mari est un dépôt. Al-awladu amana. Les enfants constituent un dépôt. Wa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Et chacun de vous est responsable. Et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité. Al-aba'u amana. Wa khususan fil kibar. Les parents constituent un dépôt et surtout pendant l'âge de leur vieillesse, il a akhiré, etc. Khamisan al-ni'amu amana. Les bienfaits constituent un dépôt. Qala ta'ala wa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ce jour-là, on vous interrogera au sujet des bienfaits. Yani yawm al-akhirah. Fal hayatu amana. La vie est un dépôt. Tu vis grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. Grâce à cette vie que Dieu t'a donnée comme dépôt. Fal hayatu amana. La vie est un dépôt. Ash-shababu amana. La jeunesse est un dépôt. Tu es jeune aujourd'hui, c'est un dépôt que Dieu te donne. Attention, n'utilise pas la jeunesse dans ce qui est interdit. As-sihhatu amana, la bonne santé est un dépôt. Al-waqtu al-farighu amana, le temps libre est un dépôt. Al-malu amana, la fortune ou l'argent est un dépôt, ila akhiri, etc. Kanat hadhihi ba'd al-amthila, il y avait là quelques exemples. Wal-amanatu kathira, mais les dépôts sont très très très, très nombreux. Wa la imana liman la amana liman la amanata la, et comme l'a dit le prophète, nulle foi, nul islam pour celui qui ne préserve pas le dépôt. Akhi, ukhti, ara'aita kam min amana sayas'aluka Allahu 'anha yawm al-qiyamah? As-tu vu combien de dépôts pour lesquels Dieu va t'interroger le jour de la résurrection? Afahimta al-ana muhimmatak fil ard? As-tu compris maintenant ta mission sur terre? Wa fahimta limadha rafadat as-samawati wal-ard wal-jibala hamla al-amana khawfan min Allah? As-tu compris maintenant pourquoi les cieux, la terre, les montagnes ont refusé de porter ce dépôt par crainte de Dieu? Wa laqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'adam al-muhafadha 'ala al-amana 'alamatan min 'alamati an-nifaq? Et le prophète, prière et salut sur lui, a qualifié le fait de ne pas respecter le dépôt, de ne pas préserver le dépôt, comme un signe parmi les signes de l'hypocrisie. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. Il a dit les signes de l'hypocrite se comptent au nombre de trois. وذكر من بينها وإذا تمن خان. Et parmi les trois se trouve, et lorsqu'il reçoit un dépôt, il le trahit. في الأخير أقول. À la fin, je dis إننا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. On est dans ce mois béni de شعبان. وكما رأينا وكما قلنا في الجمعة الماضية. Et comme nous l'avons dit dans le vendredi passé, أحسن عبادة في هذا الشهر هي عبادة الصيام. La meilleure adoration qu'on puisse accomplir pendant ce mois est l'adoration du jeûne. لمن استطاع لمن كان مستطيعا, pour celui qui en a la capacité, la faculté d'observer le jeûne. والصيام يعني يكون في أول في النصف الأول من هذا الشهر. Et le jeûne, il est préférable de l'observer pendant la première moitié de ce mois. أما بعد النصف يعني في النصف الثاني فيكون مكروه الصيام. Mais dans la deuxième moitié de ce mois, il reste dans la première moitié qu'une semaine maintenant. Dans la deuxième moitié, il est déconseillé de faire ou d'observer le jeûne. إلا للذي عادته الصيام. À part pour celui qui a comme habitude d'observer le jeûne, par exemple tous les lundis, tous les jeudis, ou lilladhi yarud liyaqdi ma fatahu min siyam fil madi, ou à part pour celle ou celui qui récupère des jours qui font partie des ramadans précédent. يعني بعد أسبوع إن شاء الله ستكون ليلة النصف من شعبان. Après une semaine à peu près, il y aura la nuit de la moitié de شعبان. وهذه الليلة في العالم العربي يقام فيها كثير من البدع. On accomplit pendant cette nuit beaucoup d'innovations, beaucoup de bidah. وقال العلماء ومن بينهم ابن الجوزي وابن العربي بأن كل الأحاديث التي جاءت تتكلم عن هذه الليلة من نصف شعبان كلها ضعيفة. Ibn al-Jawzi et Ibn al-Arabi et d'autres savants ont dit que tous les hadiths qui parlent de cette nuit ou de la valeur ou du mérite ou de la vertu de cette nuit de la moitié de Sha'ban ne sont pas corrects, ne sont pas authentiques. Idan laysa hunak ibada mukhassasa li laylat nisf min Sha'ban. Donc il n'y a pas une adoration spécifique pour cette nuit de la moitié de Sha'ban. الإنسان كباقي الأيام يذكر الله ما استطاع ويقرأ القرآن ما استطاع ويصوم ما استطاع comme dans les autres jours l'homme ou le musulman peut évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala peut se rappeler de Dieu subhanahu wa ta'ala lire le Coran jeûner etc ونسأل الله التوفيق اللهم إني داع فأمنوا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك في هذا اليوم اللهم أعنا على حمل الأمانة اللهم أعنا على حمل كل الأمانات التي أعطيتنا يا رب لا تجعلنا من الذين ضيعوا الأمانة يا رب أعنا على حمل الأمانة يا رب اجعلنا لك طول حياتنا ولا تجعلنا لغيرك اللهم اجعلنا من الذين يحترمون هذه المهمة النبيلة التي من أجلها خلقتنا يا رب اجعلنا من الذين عبدوك طول حياتهم وطول أوقاتهم ولا تجعلنا من الذين نسوك يا رب لا تجعلنا من الضالين يا رب ألهمنا حسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة